Chapitre 105. L'interdiction pour celui qui mange en groupe de prendre deux dattes ou autres à la fois, sauf avec la permission des autres. 742. Jabala ibn Suhaym rapporte. Au cours d'une année de disette, et alors que nous nous trouvions avec Ibn Zubayr, on nous apporta des dattes. Nous en mangions lorsque Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, passa près de nous et nous dit « Ne mangez pas deux dattes à la fois, car le prophète alayhi salatu wassalam l'a interdit. » Puis il ajouta « Sauf avec la permission de vos frères. » Al-Bukhari et Muslim.